Lettre 45e, suite de la lettre précédente. Je fus encore député hier matin chez M. Branton, conjointement avec M. Dubois. Nous étions chargés de lier une partie pour la soirée. Mme Duval n'avait pas trouvé à sortir la veille, et elle en avait eu des vapeurs. J'aperçus, en entrant dans la boutique, mon malheureux Écossais assis dans un coin, un livre à la main. Il me reconnut d'abord, car je le vis changer de visage. Je fis ma commission à M. Branton, qui me répondit que Miss Polly était dans la chambre d'en haut, mais que ses frères et sœurs étaient sortis. Je montai pour les attendre. Miss Polly était seule avec M. Brown. Je fus un peu confuse de troubler ce tête-à-tête. Ma présence ne parut cependant pas les gêner beaucoup. Les douceurs et les caresses de M. Brown n'étaient pas celles d'un amant discret et délicat, et sa maîtresse n'avait pas l'air de vouloir le tenir en respect. Je crus que j'étais ici un témoin superflu, et je leur dis que je descendrais pour voir si Miss Branton était revenue. Ils n'eurent pas honte de me laisser aller. Je retournai à la boutique et j'y retrouvai l'étranger. Il avait la tête penchée sur son livre, mais j'observai très distinctement que ses yeux étaient fixés sur moi. Monsieur Dubois fit de son mieux pour nous entretenir dans son jargon anglais jusqu'à l'arrivée des jeunes Branton. Ils parurent enfin. « Ciel, que je suis fatigué !» s'écria la demoiselle en entrant, et aussitôt elle s'empara de la chaise dont je venais de me lever pour la recevoir. M. Branton fils, qui apparemment était aussi fort fatigué, fit la même politesse à M. Dubois. Deux chaises et trois tabourets composaient tout l'ameublement de la boutique, et il n'en resta pas pour moi. M. Branton, ne jugeant pas à propos de se déranger, invita l'étranger de se lever et lui cria « Allons, M. McCartney, prêtez-nous votre tabouret !» Choqué de cette grossièreté, je déclinai le siège qui me fut présenté et je priai Miss Branton de partager le sien avec moi puisque de cette façon nous ne dérangerions personne. Le jeune Branton. Eh, voilà bien des compliments. Cet homme n'a-t-il pas eu tout le temps de se reposer? Miss Branton. Et s'il ne l'avait pas eu, il reste une chaise là-haut dans sa chambre et la boutique est à nous, je pense. J'étais indigné. Et je crus venger en quelque façon l'injure qu'on faisait à M. McCartney en lui rendant la chaise qu'il venait de quitter. Je le remerciai de son attention en l'assurant que je préférais de me tenir debout. Il n'osa plus se rasseoir et il me salua respectueusement avec la mine d'un homme qui n'est pas accoutumé à recevoir un traitement aussi honnête. Je vis bientôt que cette légère marque de politesse de ma part envers cet infortuné devint un objet de risée pour les Branton, et qu'à l'exception de M. Dubois, tout le monde s'en moquait. Ainsi, pour couper court, je priai qu'on fît réponse au message de Mme Duval, puisque j'étais pressé. M. Branton, allons, Tom, allons, Biddy. Où avez-vous envie d'aller ce soir? Votre tante et la cousine ont besoin de se divertir, comme vous voyez. Miss Branton, eh bien, papa, ne pourrions-nous pas aller chez Don Saltero? M. Smith aime ce spectacle et peut-être nous y accompagnera. Le jeune Branton. Il vaudrait mieux, selon moi, aller au théâtre de Hampstead. Miss Branton. Fi donc, je n'en veux pas. Le jeune Branton. Eh bien, vous vous en passerez. Personne ne vous presse d'être des nôtres. Nous n'en serons que mieux sans vous. Dans ce moment, M. Smith revint au logis, et il allait traverser la boutique sans s'arrêter lorsqu'il m'y remarqua par hasard, et ne tarda pas à me complimenter et à me demander gracieusement des nouvelles de ma santé. En protestant que s'il avait pu se douter de ma visite, il aurait hâté son retour. Il fut singulièrement choqué de me voir debout, et il m'approcha au plus vite le siège que j'avais déjà refusé. M. Branton lui dit qu'il arrivait à point nommé, puisque Tom disputait avec sa sœur sur une partie qu'on devait arranger pour le soir, qu'il s'agissait seulement de savoir où nous irions. M. Smith. Fi donc, M. Tom, disputer avec une femme, cela n'est pas dans l'ordre. Quant à moi, j'irai partout où ces dames voudront, pourvu que mademoiselle soit de la partie. C'était de moi qu'il prétendait parler. Choisissez, miss, je vous suivrai partout. Mais pas à l'église, pourtant, s'il vous plaît, car les sermons me font peur. Miss Branton. Mon idée était que nous allassions chez Saltero. N'êtes-vous pas du même avis? Monsieur Smith. Vous savez bien, miss Biddy, que je me remettrai volontiers au choix des dames, et je n'ai point de volonté à moi, mais il me semble pourtant qu'il ferait trop chaud aujourd'hui au café de Saltero. Cependant, décidez, mesdames, j'attends vos ordres. C'est un tic assez singulier que j'ai remarqué à cet homme. Il prétend toujours se soumettre à l'avis de tout le monde et il ne manque jamais de désapprouver celui qu'il n'a pas proposé. Cela ne l'empêche pas de passer chez les Branton pour un homme parfaitement bien élevé. Monsieur Branton. Il n'y a qu'à aller aux voix, et chacun dira alors son sentiment. Ah ça, Biddy, dites à votre sœur qu'elle descende. Miss Branton. Vous pourriez aussi bien charger Tom de cette commission. C'est toujours moi que vous choisissez pour faire des messages. Il s'ensuivit une dispute entre le jeune Branton et sa sœur, dans laquelle celle-ci fut obligée de céder. Monsieur Brown et Miss Polly ayant jugé à propos de paraître, cette dernière se plaignit beaucoup de ce qu'on la dérangeait pour si peu de choses, qu'on aurait mieux fait de la laisser tranquille. Monsieur Smith. Allons aux voix, mesdames, et c'est à vous, Miss, à commencer. Là-dessus, il me demanda ce que je préférais, et il me dit en même temps à l'oreille que je pouvais être sûr que mon choix sur les siens, soit qu'il fût de son goût ou non. Je m'excusai, et je lui fis sentir que n'ayant aucune idée des spectacles de Londres, il était juste que j'attendisse le sentiment de ceux qui les connaissaient mieux que moi. On eut de la peine à adopter cette réflexion. On recueillit cependant les voix. Miss Branton se décida pour le café de Saltero, sa sœur, son frère et M. Brown pour des spectacles obscurs que je n'ai jamais entendu nommer, M. Branton père pour les jets d'eau de Sadler, et M. Smith pour le Vauxhall. Après que tout le monde eut prononcé, M. Smith me demanda ma voix qui devait être décisive. Comme M. McCartney n'était entré pour rien dire dans cette délibération, je résolus de lui faire politesse et de lui prouver que j'étais d'une meilleure trempe que le reste de cette société. Je remarquai pour cette raison que les suffrages n'étaient pas complets. M. Branton eut la brutalité de me répondre qu'il ne voyait pas lequel pouvait nous manquer, à moins que je n'eusse envie de prendre celui du chat. « Non, monsieur, répliquai-je, c'est celui de M. McCartney que je souhaite, s'il veut bien consentir à être des nôtres. » Ils partirent tous d'un éclat de rire immodéré, et moi j'étais si indigné de cette conduite révoltante que je dis à M. Dubois que s'il ne voulait pas me suivre, j'appellerai une voiture pour me retirer seul. M. Dubois consentit d'abord à m'accompagner, malgré les efforts que M. Smith fit pour me retenir jusqu'à ce que la partie du soir fût arrangée. Je lui répondis que je n'y étais pas intéressé puisque je comptais rester chez moi, que d'ailleurs je priais M. Branton de faire rendre réponse à Mme Duval quand il le jugerait à propos, après quoi je sortis de la boutique. Cette entrevue a achevé de me dégoûter des Branton. J'éviterai leur société autant que possible, mais je saisirai toutes les occasions pour distinguer l'infortuné McCartney. J'étais fort contente de M. Dubois, qui témoigna ouvertement son mécontentement de la conduite indécente de ces gens. Nous n'étions pas à 10 pas de la maison que M. Smith vint nous joindre pour me faire ses excuses, en protestant que tout ce qui s'était passé n'était qu'une plaisanterie dont je ne devais pas être offensé, que si je croyais avoir à me plaindre des Branton, il se chargerait de ma satisfaction. Je le priai de ne pas s'en mettre en peine, mais je ne pus l'empêcher de me reconduire chez Mme Duval. Elle fut très fâchée du mauvais succès de notre négociation. Un messager de Branton nous apprit peu après qu'on s'était déterminé pour l'endroit qu'on appelle le White Conduit. Je voulus être dispensé de la partie, mais il fallut en être malgré moi. Je prévoyais que je passerais une soirée désagréable, et mon attente ne fut que trop remplie. Je tombai dans une foule de gens bruyants et mal élevés, en un mot, au milieu de la lie du peuple. Jugez combien je fus à mon aise. Malheureusement, les personnes de ma société y semblaient être parfaitement à leur place.